إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous avions évoqué le cours précédent que les musulmans avaient émigré en terre d'Éthiopie, en Abyssinie, et ils revinrent vers Mecca pensant que les associâtres s'étaient convertis à l'islam. Lorsqu'ils firent une distance d'une heure de route de la Mecque, ils apprirent que tel n'était pas le cas, et donc certains rebroussèrent chemin, tandis que d'autres rejoignirent tout de même la Mecque, cachés ou bénéficiant de l'aide de certains Quraychites. Yadkhuluna tahta jiwarihim. Ils rentrèrent à Mecca sous la protection de certains Quraychites. Le messager sallallahu alayhi wa sallam va une seconde fois pousser les croyants à émigrer en Abyssinie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi l'Abyssinie, el-Habasha, pour trois raisons. Premièrement, il s'y trouvait un roi juste. Deuxième raison, les gens faisaient partie des gens du livre, donc plus proches des musulmans que des associâtres. Troisième raison, c'était là-bas un centre de commerce par lequel les croyants pouvaient gagner leur subsistance. Donc le messager choisit une terre d'émigration stratégique dans l'intérêt religieux et mondain des musulmans. Ce deuxième contingent de migrants était composé de 83 hommes et de 18 femmes. Certains ont dit 19 femmes. Et cette émigration était plus difficile que la première, car les associâtres de Quraysh étaient sur le qui-vive. Ils étaient alertes. Ils suivaient pas à pas les musulmans et scrutaient leurs moindres faits et gestes. Malgré ces dispositions, les musulmans firent preuve d'intelligence et réussirent à partir sans éveiller le moindre doute. Ils arrivèrent sains et saufs en terre d'Abyssinie. À cet effet, plusieurs poèmes ont été rapportés parmi ceux qui avaient émigré de cette deuxième émigration, et certains de ces poèmes ont été rapportés dans les livres de Sirah. Comme le rapporte Ibn Ishaq dans son livre Siyar wal-Marazi, et Ibn Hisham aussi dans Sirat al-Nabawiyyah, d'après le poème de Abdullah ibn al-Harith, qui était un des migrants, il composa à cet effet ces vers de poème en disant Ya rakiban balliran anni mughalghalatan man kana yarju balagh Allahi wad-dini kull amri'in min ibadillahi muttahadin bi batni makkah makhulin wa maftuni أنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون فلا تقيم على ذل الحياة ولا خزي في الممات وعيب غير مأمون إنا تبعنا رسول الله فاتطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين فاجعل عذابك في القوم الذين بغوا وعائذ بك أن يعلوا فيدخون. Il dit « Ô cavalier, prends de moi un message destiné à ceux qui espèrent la transmission du message d'Allah et de la religion. À tout homme persécuté d'entre les serviteurs d'Allah, opprimé et tourmenté dans la vallée de Mecca, dis-leur que nous avons trouvé vaste la terre d'Allah. Elle sauve de l'avilissement, de la honte et du mépris. Ne vivez donc pas une vie d'avilissement et ne subissez pas une mort honteuse et une humiliation hasardeuse. Nous avons suivi l'envoyé d'Allah tandis qu'eux ont rejeté la parole du prophète et ils ont triché dans la pesée. Ô Allah, que ton châtiment tombe sur ces gens injustes et protège-moi afin qu'ils ne me dominent et ne me séduisent pas. » Ibn Ishaq, rahimallah tabarak wa ta'ala, rapporte par une chaîne de transmission qui est bonne ce qui suit. Dès lors que les associâtres de Quraysh apprirent que les croyants étaient arrivés sains et saufs en terre d'Éthiopie, ils déléguèrent deux hommes d'influence et rusés de surcroît parmi eux. Le premier d'entre eux, Amr ibn al-As, et le deuxième, Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ces deux hommes-là étaient, à cette époque-là, mécréants. Mais pour information, ce sont deux personnes qui se convertiront à l'islam par la suite, bien plus tard, après l'émigration. Alors, ils partirent en prenant avec eux toutes sortes de présents et de cadeaux qu'ils distribueront au Négus et à ses patriarches une fois arrivés là-bas. Leur plan d'action était de s'entretenir avec le Négus et de ne surtout pas discuter avec les musulmans. Arrivés sur place, ils furent introduits dans la cour du Négus, lui présentèrent les cadeaux et l'informèrent de leur mission. Ils dirent: Ô roi, des jeunes égarés qui ont renié leur religion et n'ont pas embrassé la vôtre, qui ont créé de toutes pièces une nouvelle religion que personne ne connaît, ni vous, ni nous, ont trouvé refuge dans ton pays. Les notables de leur peuple, parmi leurs pères, leurs oncles et leurs tribus, nous ont envoyés auprès de toi afin que tu les rendes à eux, car ils savent mieux que quiconque ce qu'ils leur reprochent. Les patriarches autour du Négus étaient favorables à ces paroles. C'est-à-dire, ils étaient favorables à ce que les musulmans retournent chez eux et que les leurs s'occupent d'eux. Ils dirent: Ces deux-là ont raison, leur peuple les connaît mieux. Mais le Négus al-Najashi se fâcha et dit: Par Allah, je ne les livrerai pas à ces deux hommes, alors qu'ils ont fait appel à ma protection, sont descendus dans mon pays et m'ont préféré à quiconque, jusqu'à ce que je les questionne au sujet de ce que ces deux hommes disent d'eux. S'ils sont comme ces deux hommes disent, je leur livrerai et les rendrai à leur peuple. S'ils ne sont pas ainsi, je les protégerai contre ces deux-là et je veillerai à ce qu'ils jouissent de mon hospitalité tant qu'ils seront sous ma protection. Donc Al-Najashi, le Négus, tenait à écouter toutes les parties. C'est ainsi qu'il fit venir les musulmans qui étaient bien décidés à dire la vérité. D'ailleurs, Umm Salama, qui faisait partie de ce deuxième contingent, de ce deuxième groupe de migrants, lors de cette deuxième émigration, a dit: Il n'y avait pas une chose plus détestable aux yeux de Abdullah ibn Abi Rabi'a et de Amr ibn al-As que le négus puisse écouter ce qu'avaient à dire les musulmans. C'était une chose qu'il ne voulait pas, car il connaissait la force de dissuasion, la force du message de l'islam qui gagnait les cœurs. Beaucoup s'étaient convertis à l'islam, mais ils avaient peur que le négus aussi soit conquis par les paroles du Coran, paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, et les paroles des musulmans. Le négus leur demanda: Quelle est donc cette religion différente des autres et en vertu de laquelle vous vous séparez des vôtres? Alors Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était le porte-parole des musulmans, répondit: Ô roi, nous étions plongés dans l'associaterie. Nous adorions les idoles, nous mangions la chair des bêtes mortes, nous ne respections pas les droits du voisinage, nous transgressions les interdits en faisant couler le sang des uns des autres. Et autre chose, nous ne nous soucions guère du caractère licite ou illicite des choses. Et cela jusqu'à ce qu'Allah nous envoie un prophète de parmi nous, duquel nous connaissons l'honnêteté, la véracité et l'intégrité. Il nous appela à l'adoration d'Allah seul sans associé. Il nous ordonna le maintien des liens de parenté, le respect des droits du voisin, la pratique de la prière et du jeûne, et de ne pas adorer autre que lui. Dans une autre version, c'est alors que notre peuple nous a humiliés et torturés afin de nous détourner de notre religion et de nous faire revenir à l'associaterie et à la débauche. Nous fûmes alors contraints de fuir afin de pouvoir pratiquer notre religion. Et nous espérons trouver en votre pays un lieu dans lequel nous ne subirons aucune forme d'injustice. Voilà les propos de Ja'far ibn Abi Talib lorsqu'il fut questionné par Al-Najashi. Al-Najashi lui dit alors: Peux-tu me faire part de ce qu'Allah lui a révélé? C'est-à-dire de ce qu'Allah a révélé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far acquiesça. Le négus lui demanda de réciter. Et il récita les versets de la sourate Maryam, la sourate numéro 19, qui parle de Zacharia, de Yahya, de Maryam, de Isa et d'autres prophètes. Des versets qui sont censés toucher le cœur d'El-Najash et lui qui était chrétien. Lorsqu'il commença à lire, il récita les versets de cette sourate magnifique, et cette sourate les fit pleurer. Tous, le Al-Najashi ainsi que ses patriarches, les larmes allant jusqu'à mouiller leur barbe. Al-Najashi dit alors, il semble que ceci provienne de la même source lumineuse que ce qu'a apporté Moussa. S'adressant aux émissaires de Quraysh, il dit, partez, je ne vous les livrerai point, ils sont sous ma protection. Furieux, Amr ibn al-As jura à son compagnon qu'il reviendrait le lendemain avec ce qui le fera expulser. Mais Abdallah ibn Abi Rabi'a le tempéra. Il lui rappela les liens de sang qui les unissaient. Le lendemain, Amr ibn al-As se rendit tout de même auprès du Najashi et lui dit, oh, sais-tu qu'ils disent des choses graves à propos de Issa? Alors Al-Najashi, ferme dans sa manière d'agir, décida de convoquer une nouvelle fois les musulmans afin d'entendre leurs croyances sur Issa ibn Maryam. C'est Ja'far, radiallahu tabarak wa ta'ala anhu, qui prit la parole et qui dit, nous disons qu'il est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole et un esprit venant de lui qu'il a insufflé à la Vierge Maryam, la grande adoratrice, Al-Batul. Al-Najashi dit alors, je jure par Allah, Issa ne dépasse pas ce que tu viens de dire de l'équivalent de la longueur de ce bâton. Malgré la protestation de ses évêques, qui eux voulaient que ces gens-là repartent chez les leurs, il assura les musulmans de sa protection et du fait que quiconque les insulterait aurait à payer une amende. Umm Salama dira, nous séjournâmes dans la meilleure des terres, auprès du meilleur des hôtes. Certaines versions authentiques évoquent qu'Allah tabaraka révéla les versets suivants lorsque les évêques se mirent à pleurer en écoutant les versets du Coran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil-ladina amanu al-yahuda wal-ladina ashraku. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Sourate numéro 5, versets 82 et 83. Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens des versets, tu trouveras certainement que les juifs et les associâtres sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent, nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent, c'est-à-dire ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Al-Najashi ordonna que les deux émissaires de Quraysh soient renvoyés avec leur présent. Umm Salama, radiallahu anha, rapporta cela. Et dit, ils sortirent humiliés, les bras chargés de leurs présents, tandis que nous nous installâmes ici et nous y fûmes bien traités. Les Quraysh étaient empressés d'envoyer ces deux hommes car ils étaient conscients du danger qui menaçait leur pouvoir, leur hégémonie, leur privilège. Il y avait là un endroit proche de la Mecque, dirigé par un roi juste, dans lequel les musulmans pouvaient se réfugier et où ils étaient en sécurité. Il y a une chose importante ici à mettre en valeur. Les musulmans qui ont émigré ont expliqué leurs croyances en toute transparence devant Al-Najashi, qui était chrétien alors, sans faire preuve de complaisance. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas essayé de gagner l'approbation du négus en lui faisant entendre une parole susceptible de lui plaire. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a assistés et leur a accordé une terre d'émigration dans laquelle ils sont en sécurité. Il est important aussi de signaler ou de nous rappeler quel est le mérite de ces gens-là. Écoutons ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari d'après la version de Abi Moussa al-Ash'ari, qui a dit: nous apprîmes le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que nous étions au Yémen. Donc Abu Moussa al-Ash'ari, qui est un compagnon yéménite. L'Ash'ari, c'est une tribu du Yémen. Abu Moussa al-Ash'ari s'était converti, puis il était retourné chez les siens. Lorsqu'il a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait émigré vers Médine, il décida de le rejoindre à Médine. Donc il dit: nous apprîmes le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que nous étions au Yémen. Je partis aussitôt le rejoindre avec deux de mes frères plus âgés que moi, Abu Burda et Abu Hurairah. J'avais avec moi 50 ou 52 ou 53 hommes de ma tribu. Nous nous embarquâmes sur un navire, mais ce navire fut jeté sur le pays de l'Abyssinie, le pays du Négus, en Abyssinie. Nous rencontrâmes là-bas Ja'far ibn Abi Talib et nous demeurâmes ensemble jusqu'au jour où nous nous mîmes tous en route, c'est-à-dire en l'an 7 de l'Hégire, lorsque le prophète a conquis la forteresse de Khaybar. Quoi qu'il en soit, il dit, nous rejoignîmes le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il s'emparait de Khaybar. Certains gens prétendaient nous avoir devancés dans l'émigration à Médine, nous autres les gens embarqués sur le navire. Asma bint Umays, radiallahu anha, qui était l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib. Puis lorsque Ja'far est mort en l'an 9 de l'Hégire, Abu Bakr l'épousa. Puis Abu Bakr, lorsqu'il décéda, ce fut Ali ibn Abi Talib qui l'épousa. Asma bint Umays était une femme qui a émigré des deux émigrations. Asma bint Umays, radiallahu anha, qui était venue avec nous, entra faire une visite chez Hafsa, la femme du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la fille de Omar ibn Khattab. Elle avait été du nombre de ceux qui avaient émigré auprès du Négus. Pendant qu'elle était chez Hafsa, Omar, radiallahu anhu, entra et en voyant Asma, demanda qui c'était. C'est, répondit Hafsa, Asma bint Umays. L'Abyssinienne, dit Omar, la femme de la mer? Oui, répondit Asma. Alors Omar lui dit, nous vous avons devancé dans l'émigration et nous sommes plus en droit que vous de l'accompagner du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Point du tout, s'écria Asma, pleine de colère, par Allah, tandis que vous, vous étiez avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nourrissait ceux de vous qui avaient faim et exhortait ceux qui étaient dans l'ignorance. Nous étions dans une contrée, ou suivant une variante, une terre des infidèles et des ennemis, en Abyssinie. Et cela pour la cause d'Allah et celle de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Je fais le serment le plus solennel que je ne goûterai à aucun mets ni à aucune boisson tant que je n'aurai pas raconté cela à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui citer les paroles que tu viens de prononcer, alors que nous souffrions et que nous étions en danger. Je veux dire tout cela au prophète et lui demander son avis. Par Allah, je ne mentirai pas, je n'inventerai rien et je n'exagérerai pas. L'imam al-Bukhari, sur le hadith qui suit, le hadith 4231, dit: quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva, Asma bint Umays dit: ô prophète d'Allah, Omar a dit telle et telle chose. Alors le prophète lui a dit: que lui as-tu répondu? Elle répondit: ceci et cela. Alors le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas plus de droit sur moi que vous. Lui et ses compagnons ont fait une seule émigration, tandis que vous autres, ceux du navire, vous en avez fait deux. Cela montre que dans ce domaine précis, dans le domaine de l'émigration, ceux qui avaient émigré les deux émigrations en Abyssinie ont plus de mérite que ceux qui ont émigré une seule fois. Cela ne signifie pas que tous ceux qui ont émigré ces deux émigrations ont plus de mérite que tous les autres compagnons, y compris Abi Bakr ou Omar ou Ali, par exemple, qui n'ont pas fait ces deux émigrations. Cela ne signifie pas cela. Cela signifie simplement, comme l'a souligné Ibn Hajar al-Asqalani au Fath al-Bari, que dans le domaine de l'immigration, les gens qui ont émigré deux fois ont plus de valeur et sont plus en droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui ont émigré une seule fois. Et ceci de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas plus de droit sur moi que vous, dit le prophète. Lui et ses compagnons ont fait une seule émigration, de Mecca à Al-Madina, tandis que vous autres, ceux du navire, vous en avez fait deux. Abou Moussa et ses compagnons d'embarquement, ajoute Asma, vinrent en foule me trouver et m'interroger au sujet de ce hadith. Car rien au monde ne leur causait une plus grande joie et une plus légitime fierté que ces paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prononcées à leur sujet. Selon Abu Burda, Asma a dit, j'ai vu Abu Moussa al-Ash'ari qui venait me demander de lui répéter ce hadith. De par la joie qu'ils éprouvaient par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mérite qu'ils ont atteint par cela. Et cela nous montre le mérite de l'émigration, de la hijra, sa place immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quitter sa terre natale n'est pas chose facile, surtout si l'on émigre vers une terre où la langue et les us et coutumes sont différents. Mais celui qui fait passer son intérêt religieux sur ses intérêts personnels mondains bénéficiera du soutien d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'une facilité à pratiquer sa religion et d'une facilité à acquérir sa subsistance. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sourate 4, verset 100. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre de quoi assouvir ses intérêts religieux et ses intérêts mondains. Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager et que la mort l'atteint, sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Les compagnons, radiallahu anhum, dès lors qu'ils ont émigré, laissant derrière eux leurs biens, leurs demeures, leurs enfants, leur notoriété, leur place prééminente dans la société, pour Allah, leur foi augmenta et atteignit la complétude. Ils purent concrétiser le combat dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le secours porté à la religion d'Allah et furent des guides et des exemples pour les générations après eux. Allah leur facilita les conquêtes d'Orient et d'Occident et les trésors de ce bas monde furent à leurs pieds. Il en est ainsi pour celui qui les imitera dans cela, il bénéficiera de ce qu'ils ont bénéficié. Durant cette deuxième émigration en Abyssinie, Abdullah ibn Jahsh, l'époux de Habiba, qui est la fille de Abi Sofiane, décéda. Certains ont dit qu'il décéda dans la croyance des chrétiens. D'autres ont dit qu'il décéda en tant que musulman. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, épousera Habiba, alors qu'elle se trouve encore en Abyssinie, sous la tutelle du négus, qui sera son tuteur. C'est ce dernier qui lui donna la dot de 4000 dirhams, 4000 pièces d'argent. Et c'est lui-même qui la prêta. Tout cela à ses frais. Puis il l'envoya vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sous la conduite et la protection de Sharahbil ibn Hassana à Médine. Nous évoquerons, inshallah, tabarak wa ta'ala, dans le prochain cours, la conversion de deux grands hommes dans l'islam, Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la conversion de Omar ibn al-Khattab al-Adawi, radiallahu tabarak wa ta'ala anhu. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.